Oui, bonjour, Monsieur Frédéric Siré. Je vous appelle concernant l'émission que vous avez réalisée sur les Lego. Les Lego cette semaine. Oh mon Dieu! Oh, ce n'est pas. Attendez, je viens de gagner au loto. J'ai gagné 100 briques. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. Oui, la team Playmobil veut son émission aussi. Merci. Entre deux patients, j'écoutais par épisode l'émission sur les Lego. Ça m'a donné une folle envie quand je suis rentré à 21h hier soir. J'ai sorti mes Lego et avec ma fille, jusqu'à après minuit, on a joué aux Lego comme des fous. Donc du coup, j'ai que 3h, j'ai repris le boulot. J'ai que 3h de sommeil dans les bottes. Mais je vous en veux pas. Salut Lara. J'adore les Lego et j'ai 41 ans. Je les achète soi-disant pour mon fils de 12 ans. Mais en fait, je les achète pour moi. Désolée, je suis team Playmobil, pas Lego. Mais je crois en un monde où Playmobil et Lego peuvent vivre ensemble paisiblement sur une même planète. Moi, je suis née en 63. Je ne sais plus à quel âge j'ai eu ma première boîte de Lego. Mais c'était la grande boîte en carton avec plein de petits casiers où on rangeait les briques par couleur et par catégorie. Et je ne me lassais pas de construire des maisons en briques blanches avec des fenêtres et des tuiles rouges sur une plaque grise. Et j'avais quelques petits arbres aussi. Voilà, mais le plus dur, c'était de les défaire. Je ne sais pas pourquoi, mais les briques étaient vraiment tellement imbriquées que c'était très très dur de les défaire parfois. Salut, j'adore votre émission Blockbuster. J'adore les Lego Star Wars. Je m'appelle Maëlle, j'ai 9 ans. Bye! To be or not to be, not to be. J'avais 6 ans. J'étais pas un enfant particulièrement sociable. Bon, ça n'a pas vraiment changé. Si j'aimais parler avec les gens, je ferais pas du one-man show. Et disons que je ne faisais pas partie des enfants populaires de mon école et je voyais bien que mes parents se rendaient compte qu'ils avaient peut-être fait une erreur de casting en se mettant l'un avec l'autre. Bref, à 6 ans, j'avais l'optimisme de Michel Houellebecq et la joie de vivre de Mercredi dans la famille Adams. C'est alors qu'un oncle passionné de bande dessinée me mit pour la première fois un magazine de super-héros entre les mains, le Spécial Strange numéro 45 aux éditions Lug. J'ouvris le livre et je découvris alors l'équipe par laquelle tout a changé pour moi, les X-Men. Dessiné par Paul Smith et scénarisé par Chris Claremont, l'aventure se déroulait au Japon. Un certain Logan allait se marier avec une dénommée Mariko Yashida et les autres membres de son équipe venaient assister à la cérémonie. Parmi eux, Colossus, un russe pouvant se transformer en géant d'acier. Diablo, une sorte d'elfe bleu allemand pouvant se téléporter. Tornade, la chef, originaire du continent africain et capable de contrôler les éléments. Et Kitty Pryde, la plus jeune, qui pouvait passer à travers les murs et qui était accompagnée par un petit dragon nommé Lucky, ce qui semblait totalement normal aux yeux du reste de l'équipe. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ce genre d'image ou d'histoire peut provoquer dans le cerveau d'un enfant de 6 ans qui trouve le temps long. Si vous ajoutez à ça le fait que Logan, alias Serval, Wolverine pour les anglophones, allait se battre contre un ennemi baptisé le Samouraï d'Argent et qu'il avait des griffes d'un métal indestructible, vous comprendrez aisément pourquoi 37 ans plus tard, je continue de parler des X-Men. France Inter. Blockbuster. Jusqu'ici ça va. Frédéric Sigrist. Les mutants. Depuis que leur existence est connue, ils ont suscité la peur, la méfiance, voire la haine. Le débat divise la planète. Les mutants représentent-ils le prochain stade de l'évolution ? Ou s'agit-il d'une nouvelle humanité parallèle qui revendique sa part du monde ? Quoi qu'il en soit, c'est un fait historique. Partager le monde n'a jamais été la vocation de l'homme. En 1963, Stan Lee et Jack Kirby, lassés d'avoir à trouver des origines aux super-pouvoirs des super-héros Marvel, ont une idée de génie, la mutation. En effet, Stan Lee a l'idée d'un gène X qui confère à certains individus des pouvoirs surhumains qui se déclarent en général à l'adolescence. Problème, certains de ces pouvoirs sont incontrôlables et constituent autant un handicap qu'une bénédiction. Par exemple, Scott Summers projette des rafales optiques par les yeux et ne peut plus regarder qui que ce soit sous peine de le tuer. Hank McCoy, un génie, a des pieds et des mains qui lui permettent de se déplacer tel un singe, mais il est perçu comme un monstre. Quant à Jean Grey, elle peut lire dans l'esprit des gens, même quand elle n'en a pas envie. C'est alors que le professeur Xavier, une sorte de Martin Luther King du monde des mutants, crée une école pour ses marginaux afin de leur apprendre à contrôler leurs pouvoirs, mais aussi à défendre un monde qui les craint et les hait. Pour parler de ces super-héros aux métaphores de tant de différences, j'ai avec moi Arnaud Tomassini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culturel et rédacteur en chef de comicsblog.fr, le premier site spécialisé en comics en France. Le site tourne quotidiennement. Vous êtes aussi le créateur du podcast The Pulse, dédié au journalisme culturel. Chaque semaine, il y a de nouveaux podcasts à découvrir. C'est tout à fait ça. Avec nous, et je suis très très très content de l'avoir autour de la table, Jérémy Manès, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, comédien, traducteur de comics et consultant pour Panini Comics, qui publie les X-Men en France. Vous avez plusieurs albums qui sortent chaque mois en tant que traducteur, et on pourra vous retrouver à la rentrée dans la pièce de théâtre On en est là, au Café de la Gare à Paris. Absolument. Avec nous, et de retour, Robert Ospian, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et critique, vous travaillez actuellement dans la compagnie de jeux vidéo Quantic Dream et pour la revue Rockyrama. Exactement. Et enfin, pour parachever ce tour de table, Benjamin Apparent, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et scénariste et vous avez notamment réalisé votre premier long métrage, Un vrai bonhomme, sorti en janvier dernier. Tout à fait. Ensemble, on va revenir sur l'histoire et l'évolution des X-Men en bande dessinée, car même si le cinéma, les jeux vidéo et la télévision auraient tendance à le faire oublier, les X-Men, c'est avant tout une bande dessinée qui paraît encore chaque semaine aux États-Unis sous une forme ou sous une autre. On va voir comment la manière dont chaque époque et chaque créateur a dépeint ses mutants en dit long sur notre manière de percevoir les minorités. On reviendra sur les sagas cultes à découvrir, sur ses personnages, et on s'attardera sur le bouleversement qui touche cette série outre-Atlantique, l'événement House of X et pouvoir Power of X. Comme dirait Charles Xavier, to me my X-Men. Mesdames et messieurs, nous assistons aux prémices d'une nouvelle étape de l'évolution humaine. Ces mutations apparaissent à la puberté et sont souvent déclenchées par une période de stress émotionnel intense. Merci, Mademoiselle Gray. C'était tout à fait instructif. Cependant, vous contournez soigneusement la seule vraie question qui nous concerne. On va faire court. Le danger mutant est-il réel? C'est une question qui est mal posée, sénateur Kelly. Après tout, une personne peut être dangereuse au volant d'une voiture. C'est pour ça qu'on a le permis de conduire. De conduire, mais pas de vivre. C'était un extrait d'X-Men de Bryan Singer sorti en 2000 et vous venez d'entendre Jean Grey parler au sénateur Kelly. C'était donc joué par Famke Johnson, doublé en français par Juliette Desgènes et le sénateur Kelly est joué par Bruce Davidson, doublé par Marcel Guido. Alors, les X-Men, Jérémy Manès, ce sont bien plus que des super-héros, ce sont des mutants. Donc en fait, ce qui les différencie des autres super-héros tels que les Vengeurs ou les 4 Fantastiques, c'est que eux, c'est leur identité même qui est en jeu. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas acquis leur pouvoir par un accident cosmique ou que sais-je. Ils sont nés avec un gène qui les rend différents et qui, à l'adolescence, se réveillent et leur donnent des pouvoirs extraordinaires. Ce qui veut dire aussi qu'ils sont pas forcément voués à devenir des héros, juste ils sont voués à devoir vivre avec des pouvoirs qui sont pas toujours pas faciles à porter. Et ils sont stigmatisés justement parce que ils ont ce gène X là qui les différencie du reste de la population. Voilà, parce qu'ils sont dangereux, ils peuvent être dangereux, ils sont différents. Donc c'est pour ça que les X-Men ont toujours été une parabole sur la différence et sur l'adolescence, parce qu'il y a ce moment à l'adolescence où son le corps se transforme et on ne sait plus trop quoi faire. Une émission de Skyrock comme ça, avec ton corps change. Voilà, c'est ça. Bah, les mutants, c'est un peu ça. Et voilà. Et que faire avec ça? C'est pour ça que c'est souvent par cette porte-là que les ados rentrent dans les comics en général, parce que c'est sûrement la thématique qui est la plus proche d'eux en fait. Arnaud Tomasini, à la base, les X-Men ont été créés par Stan Lee et Jack Kirby, mais la première équipe n'était pas un gros succès. Non, en fait, aujourd'hui, tout le monde connaît les X-Men et se dit que ça a pu forcément être une histoire formidable, mais non, les premiers numéros de Stan Lee et Jack Kirby en fait, ne trouvent pas leur public parce que je pense que juste que Stan Lee, notamment, en fait, avait pas forcément saisi tout ce qu'il y avait à faire avec le concept de ces super-héros. Il avait quand même les bases, donc il y avait Xavier, Magneto, les Sentinelles qui arrivaient assez rapidement, mais il n'avait pas non plus tout, il n'arrivait pas forcément à différencier tous ces personnages, il les écrivait un petit peu tous de la même façon, et c'est une série qui en fait a même connu une période en fait où Marvel sortait plus de nouveaux numéros, mais en fait se contentait de réimprimer des histoires qui avaient déjà été éditées, et donc il faudra attendre en fait 1975, donc 12 ans après la création d'X-Men pour que vraiment il y a une relance et que la magie opère avec un monsieur qui s'appelle Chris Claremont. Mais surtout d'abord la publication d'un numéro qui encore la lecture aujourd'hui est fantastique, c'est le Giant Size X-Men de Len Vein et Dave Cockrum. Et d'ailleurs il faut valoriser l'importance de Len Vein, qui est celui qui a créé les mutants les plus connus du grand public, c'est-à-dire Wolverine, Storm, Tornade, Colossus. Et il a été en un numéro déterminant dans la pérennité de cette aventure. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ceux qui ont créé les X-Men, en l'occurrence le professeur Xavier. Robert Ospian, que représente le professeur Xavier pour les X-Men ? Alors comme vous l'avez dit vous-même, c'est un peu le Martin Luther King justement, c'est-à-dire que la série est créée en pleine période de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Donc effectivement, je suis d'accord avec Arnaud, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui manquaient dans les premières aventures des X-Men, mais c'est vrai que les bases, au-delà des personnages, c'est-à-dire cette opposition entre les gentils mutants et la confrérie des mauvais mutants qui était liée menée par Magneto, était déjà là. C'est vraiment ce qui fait le cœur de cette histoire, de cette franchise. C'est effectivement donc cette ode à la différence, ce caractère politique en fait qui était ancré au sein même de la série, qui permettait donc de traiter tous ces sujets-là. Et le professeur Xavier, inévitablement, en prenant des héros qui sont des adolescents et en leur donnant une école et un guide, se permet d'avoir Staline se permet d'avoir donc une approche un peu pédagogue sur le sujet, parce qu'en plus les comics, il est vrai, même si nous tous aujourd'hui autour de la table sommes des adultes et apprécions encore les comics, s'adresser à un public jeune et le fait de réussir à leur apprendre par le biais de la figure du professeur Xavier ces sujets-là d'actualité étaient véritablement pertinentes à l'époque. Et alors le professeur Xavier, qui est un mutant lui-même, qui a ce pouvoir de télépathe qui lui permet de rentrer en contact et même des fois de contrôler qui il veut sur la planète, mais qui souffre d'un handicap, il est infirme, et au commencement de la série du moins, et il est en fauteuil roulant. Il y a aussi ce paradoxe permanent chez les X-Men entre un grand pouvoir et des fois un corps qui ne suit pas. C'est que, en fait, effectivement, comme le disait tout à l'heure Jérémy, pardon, oui. Le problème de devoir porter un fardeau. En fait, c'est à la fois un pouvoir qui peut être vécu comme une malédiction, c'est-à-dire que pour tout mutant comme Jean Grey, qui est parfaitement, j'aime pas l'utilisation de ce terme, mais normal en apparence, vous avez un fauve qui va avoir des membres démesurés, vous allez avoir d'autres en plus, même avec les années, notamment par exemple avec le passage de Grant Morrison, il y a eu des créatures, oui, des mutants monstrueux en apparence. À vrai dire, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez essentiel à Marvel en général, c'est-à-dire que tous les héros Marvel ont des fragilités et des choses qui font que c'est pas simple tous les jours. Mais pour les mutants, c'est le fait même d'avoir ces pouvoirs qui est difficile à gérer, en fait. Oui, surtout que contrairement à d'autres personnages qui peuvent remiser leur costume le soir quand ils ont des jeux, même s'ils ont des problèmes d'argent comme Spider-Man, d'identité secrète chez les mutants. C'est-à-dire que ils ne peuvent jamais lâcher l'affaire. Ils sont toujours mutants du matin au soir. Et quand Claremont reprend les X-Men, et il développe des personnages qui avaient été effleurés jusqu'à maintenant, notamment le personnage de Magneto, et en fait un rescapé de la Shoah, Benjamin Parent. Il y a cette figure très très forte chez Magneto qui explique qu'il n'a absolument pas confiance dans cet idéal de coexistence humain et mutant, vu que lui-même a connu les pires horreurs dont l'humanité est capable. Ouais, le personnage, voilà, est juif, et effectivement il a connu l'Holocauste, et c'est là que ses pouvoirs se sont développés, si je ne m'abuse, le choc que ça a été. Et effectivement, il y a ce truc de c'est quelqu'un qui connaît la noirceur des hommes, qui voit de quoi ils sont capables, et il croit pas en tout ça. Et donc, on est vraiment sur une figure avec Xavier. Il s'oppose. Xavier a espoir, et lui a vu l'horreur, en fait. D'autant qu'ils sont amis. Oui, c'est ça. Ils sont, ça, c'est un truc qui est arrivé avec Claremont ensuite, d'imaginer un passé commun. Initialement, ils étaient juste opposés, mais c'est Claremont qui développe leur amitié passée, justement en Israël, beaucoup plus tôt. Ouais, et ils se séparent. Et c'est d'ailleurs la figure centrale des films, c'est ça. Hein, c'est sur cette opposition des amis, des meilleurs ennemis, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que va être développé dans plusieurs intrigues, notamment l'idée, à un moment donné, il y a une intrigue qui se passe dans un pays imaginaire, mais qui est un peu l'Afrique du Sud, où il y a une forme d'apartheid et on Genosha. Essaie. C'est ça. On essaie de rassembler les mutants dans des camps. Donc il y a clairement une volonté de parler de l'Holocauste et de

Certains ont des pouvoirs si extrêmes qu'ils sont un danger pour eux et leurs proches. Comme votre amie Malicia, interdite de contact physique avec un être humain probablement jusqu'à la fin de ses jours. Et pourtant elle est ici, avec des gens de son âge, à étudier. Elle est acceptée, plus personne n'a peur d'elle. Je m'appelle Bobby. Et toi ? Malicia. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Ça dépend d'elle. Elle peut réintégrer le monde en tant que jeune femme instruite, ou rester ici pour enseigner à d'autres, ralliant ce que les plus jeunes appellent affectueusement les X-Men. Bienvenue à Anormal Sup. On vient d'entendre le professeur Xavier qui fait découvrir l'école à Wolverine. Donc, c'est joué dans le film par Patrick Stewart et Hugh Jackman, respectivement doublé par Pierre Dourlans et Joël Zaffarano. Jérémy Manès, les X-Men, c'est une ode à la différence et à une société inclusive, mais c'est aussi une manière de représenter des nationalités qui n'avaient pas véritablement voix au chapitre à l'époque dans le comic books. Oui, bah c'est sans doute ce qui a vraiment déclenché le succès des X-Men quand Claremont, enfin Len Wein d'abord, puis Claremont se sont attelés au truc. C'est que c'est vrai que la première équipe des X-Men, eh ben, elle était très très très blanche, quoi. Enfin, très oui. Voilà. Et quand il y a eu Tornade, même Wolverine qui est canadien. toute l'équipe venait des quatre coins du monde. Et eh ben, il y avait quelque chose de très international, etc. qui participait encore au thème de la différence, etc. Et qui nous fait bien rigoler quand Arnaud me contredira pas quand sur Twitter on voit des gens qui disent que les comics c'est pas la diversité, etc. Oui. Voilà, et c'est n'importe quoi. Mais c'est d'ailleurs très intéressant parce que aujourd'hui on voit beaucoup de ce débat qui revient autour du comics. Le comics est-il politique ou non? Alors qu'en fait les X-Men sont inclusifs depuis des années. C'est une des séries qui moi m'a marqué pour sa mise en avant des personnages féminins. C'est-à-dire que le chef des X-Men à un moment donné c'est Tornade et en plus c'est une Tornade punk avec une crête d'Iroquois qui a complètement quitté son aspect un peu sexualisé qu'elle pouvait avoir et elle prend la direction des X-Men sans pouvoir et c'est quelque chose qui est passé mais comme une lettre à la poste à l'époque parce qu'on n'était pas dans ces débats de dire oui vous voulez féminiser une audience ou oui, non ça passait puis, il y avait pas Twitter quoi c'est peut-être ça ouais. mais ça faisait que même en tant que lecteur et ben tous ceux qui se sentaient pas forcément à leur place trouvaient une place au sein des X-Men, c'était une famille. Et c'est vrai que même en tant que lecteur de comics, parce que voilà, maintenant on est les maîtres du monde, mais à une époque c'était pas ça, hein, c'était une lecture un peu honteuse. Ça nous faisait dire, on a notre place dans cette équipe. On est des gens un peu bizarres, les geeks à lunettes, à qui personne parle dans la cour, etc. Mais il y a une équipe quelque part. Il y a peut-être une école qui nous attend quelque part. On sait peut-être faire un truc mieux que les autres. Arnaud Tomassini, qu'est-ce que... Ouais, je veux dire qu'il y avait même un calcul éditorial et commercial derrière. C'est-à-dire que Marvel se rendait aussi compte que ses comics se vendaient à l'international et donc il fallait, que les lecteurs au dehors des États-Unis puissent s'identifier, en fait, à ce qu'ils disaient. Ça, c'est pas non plus l'idée la plus incroyable du monde, mais fallait quand même le faire. Mais fallait le faire. Mais moi, je me souviens que quand j'étais petit, il y a une image qui m'avait marqué dans une mini-série, tu t'en souviendras, je suis sûr, qui s'appelle Firestar. Oui, évidemment. Et la première page, on voyait une main, comme ça, et on voyait les lignes de la main qui formaient un M, et c'était censé être le signe de reconnaissance pour dire, en fait, t'es un mutant parce qu'il y a un M écrit dans ta main. En fait, on l'a tous. Mais il y avait ce truc comme ça. Et moi, je me souviens que j'ai fixé ma main pendant des heures après avoir lu ce truc-là parce que ça m'incluait dans un truc un peu extraordinaire, quoi. Il y avait un truc qui était aussi intéressant. Moi, j'ai découvert dans les X-Men, j'avais 5 ou 6 ans. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que de par le fait que leurs pouvoirs sont des pouvoirs qui arrivent à la puberté, il n'y a pas besoin d'être piqué par une arrêt radioactive. Il y avait ce truc aussi où peut-être que moi aussi j'en suis un, en fait. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient différents et rejetés, et qu'à l'époque, effectivement, je connaissais pas beaucoup de gens qui lisaient ce genre de bande dessinée. C'était agréable de voir ces personnages justement et de se dire que peut-être nous aussi notre différence en fait en tout cas culturelle sur ce point allait devenir une force. Alors elle a payé. Maintenant, c'est notre super pouvoir. On est des geeks. mais c'est passé par des années très très difficiles. Hein. Robert Ospian, quand Claremont reprend la série et qu'il est rejoint par John Byrne. Voilà. De toute façon, il y a l'amicale des amis de l'anglais qui vont me tomber dessus, mais ils ont l'habitude. on a droit quand même à une succession d'arcs scénaristiques absolument incroyables. Days of Future Past, la saga du Félix Noir, c'est incroyable cette époque pour les histoires. Oui, Claremont a clairement défini en fait les X-Men, c'est-à-dire que c'est lui qui a été l'auteur à avoir travaillé le plus longtemps sur la licence. À un moment donné, il avait même abandonné quand il y a eu le renouveau dans les années 90 avec Jim Lee, et ensuite ils l'ont réinvité à venir. Malheureusement, ça a floppé. Mais tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire que ce soit les adaptations, que ce soit les adaptations en série animée, que ce soit les adaptations qu'il y a eu ensuite au cinéma, même les mini-séries qui étaient donc en dehors de la continuité, comme Dieu créé l'homme détruit, oui. Qui a servi d'inspiration en partie à X-Men 2. J'expliquerai rapidement aux auditeurs, histoire de leur donner envie de découvrir ce roman graphique. C'est l'histoire de William Stryker, qui est un télé-évangéliste, donc voilà, un chrétien fondamentaliste, et qui a une haine viscérale pour les mutants, et qui prêche la haine comme ça à la télévision, en haut d'une tour, comme ça on imagine que c'est quelqu'un d'assez riche, d'assez puissant, toute ressemblance avec des personnes serait totalement voulue. Et cette histoire commence avec deux enfants noirs mutants qui sont victimes d'un lynchage par une milice, et donc ça c'était dans les années 80. Ouais, ouais, absolument. Moi, je l'ai lu étant enfant, je me rappelle, c'était un album que j'avais acheté à Noël. Si je me rappelle bien, dessiné par Brett Anderson. C'est ouais. ça. Très noir, et les cases étaient entourées de noir, en fait. Hein. C'était pas les cases autour, c'était pas blanc. Et je me rappelle, c'était très choquant. C'était très, très violent. Mais encore la lecture aujourd'hui, tu le relis aujourd'hui. Parce que Panini en a fait une réédition il n'y a pas si longtemps, et c'est sorti il y a plus de 30 ans, et c'est d'une actualité qui fait peur, en fait. Et alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'effectivement, on a affaire dans cette histoire à un chrétien fondamentaliste. Alors, on pourrait penser, c'est vite vu, ça y est, la religion, c'est forcément des gens réactionnaires ou racistes. Mais non. Et c'est ça qui est subtil dans les X-Men, c'est que par exemple, il y a le personnage de Diablo, Nightcrawler, qui a une apparence de démon, mais qui est quelqu'un qui a une foi, lui, il est de confession catholique, qui a une foi en Dieu, qui va à l'église, qui va se confesser. Kitty Pryde, elle est juive, et il y a quand même aussi un melting pot en termes de religion, en termes d'obédience. Il y a eu une musulmane dont on n'a jamais vu le visage, qui s'appelle Dust, qui est apparue au sein des X-Men. Il y a vraiment toujours cette envie C'est une communauté qui transcende toutes les communautés, quoi. C'est-à-dire que quand on est mutant avant tout, et là-dessus, on parle là-dessus ça, on peut être effectivement juif ou homosexuel, par exemple. Enfin, il y avait aussi une parabole là-dessus, toutes les différences. Avec le virus Legacy, ouais. Voilà, ouais, ouais. Oui, mais justement, parlons du virus Legacy qui ne touchait que les mutants, qui faisait peur à tout le monde parce que l'humanité avait peur que ça s'étende à ceux qui n'étaient pas mutants. Et il y a cette île de Genosha qui arrive un peu plus tard, qui était en fait un lieu de répression et d'emprisonnement des mutants, et qui devient ensuite un havre de paix où les mutants peuvent se réfugier. Et pendant un certain temps, il y a aussi l'idée de faire de Genosha l'Israël du monde mutant. Il y a cette dimension-là. Oui, absolument. En fait, comme en antenne, Arnaud le soulignait, c'est-à-dire que Chris Claremont est juif, et je pense que, comme vous l'avez dit plus tôt, Chris Claremont a vraiment surenchéri sur tout ce qu'il y avait dans le potentiel sociopolitique créé par Stan Lee pour exploiter tout ça. Rien que le fait, effectivement, on le disait tout à l'heure, d'avoir opté pour une nouvelle recrue des quatre coins du monde, tout ça, à la base, ça découle tout simplement du pitch, parce qu'effectivement, s'il ne s'agit plus d'un individu, un chosen one qui soudainement est mordu, ou ses parents sont tués dans une allée ou quoi que ce soit, effectivement, tout le monde à travers le monde, parmi les à l'époque on n'était pas encore 7 milliards, mais tout le monde peut, il peut y avoir des mutants partout, donc pourquoi est-ce que ce serait forcément américano-centré? Lecteur de Strange, spécial Strange, Titan et Nova, c'est le moment d'évoquer vos souvenirs des X-Men au 01 56 40 30 20. On attend vos appels, mais pour le moment, on écoute de Coltrane et Goldlink avec Superpowers. Yeah, yeah. It made them sour, my superpowers. But who you love it, you ask me how, That's for me to know you to find out, girl. Yeah. Me to know you to find out, girl. Yeah. Me to know you to find out. How I hit the stage, make the shit bounce. Watch out before the floor gives out. Booth coming down, no doubt. She said, pull me up, it look like it's a drought. The way she wanna keep on drinking, she gon' drown. She got to go crazy, and she down to get down. She wanna get in places where she know they ain't allowed. It's only us around, whoa. You made them sour, my superpowers. But you love it, you ask me how, That's for me to know you to find out, girl. That's for me to know you to find out, girl. Yeah, yeah. Woo. Fire when we touch, but you love the ice. Put it on your neck, babe, it's gonna look nice. Nice. Baby, I can fly, take you on a flight. Gonna look at my life, just see through my eyes. Yeah, we could do whatever, cause I'll never die. I'm gonna live forever, I don't need to try. We ain't gonna get caught, fuck an alibi. Super villains looking for my kryptonite. Made them sour, my superpowers. But you love it, you ask me how. That's for me to know you to find. Money, pussy, power, that my superpower. I'ma fuck around and fuck for hours. Ass so fat, like you strip and go to hammer. Pussy sweet as ever, and your attitude is sour. I'm a dog, fuck around and put my paw in it. Raw denim, but a nigga ain't go raw with it. Gangsta nigga lucky lefty with a hefty ride. And if you get me started, we be fucking all night. Fuck around and dog fight. Made them sour, my superpowers. But you love it, you ask me how. That's for me to know you to find out, girl. C'était Super Powers de Coltrane et Goldlink et j'en profite pour vous dire que Céline Hila est à la réalisation, accompagnée aujourd'hui à la technique par Juliette Delpirou. Vous êtes bien sur France Inter, Blockbuster, avec Frédéric Sigrist. Alors, je ne pouvais pas faire une émission consacrée aux comics sans entendre la voix de celui qui est un petit peu le père Fouras de la BD américaine en France, Xavier Fournier, bonjour. Bonjour. Et j'ai envie de dire joyeux anniversaire, Xavier. C'est l'anniversaire de tout le monde aujourd'hui. Ils sont donnés un prix. C'est l'anniversaire des personnes de bon goût aujourd'hui. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, je rappelle que vous travaillez actuellement à l'écriture d'un guide de Gotham City pour Monolith, qui est l'éditeur du jeu de plateau Conan le Barbare, et vous allez sortir prochainement un ouvrage sur Jack Kirby. Hein, la date a été repoussée à cause du confinement, mais vous nous tiendrez au courant et on mettra ça sur le site de l'émission. D'accord? Super, super. Alors, les X-Men, parlons des X-Men, Xavier Fournier. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle des comic books Marvel? Alors, Jérémy Manès l'a dit tout à l'heure, il y a un ADN de Marvel qui consiste toujours à prendre un petit peu la défense de l'outsider, du gars qui est de côté. Et c'est vrai qu'avec les X-Men, on arrive à quelque chose, les X-Men, c'est une critique du déterminisme. C'est-à-dire que on a parlé des mutants et des humains, d'accord, mais c'est pas simplement ça. Les premières années des X-Men, c'est même autre chose. C'est-à-dire que les X-Men regardent Magneto, qui personnifie le camp du mal, et lui disent non, mais c'est pas parce qu'on a la même naissance qu'on est forcément potes. Et on préfère aller justement du côté des humains que être défini par une appartenance à une naissance commune avec un gars qui est radical. Et si on regarde bien la composition du groupe, dans les X-Men, les premières années, vous avez des gens de couches modérées, vous avez un milliardaire, vous avez un pauvre orphelin qui n'a pas le sou, et il y a vraiment un truc qui consiste à dire, c'est pas ma naissance qui compte, c'est mes actes. Et alors c'est vrai que c'était très marqué au commencement des X-Men, et j'ai l'impression en fait que la manière dont on perçoit les minorités au fil des époques, ça a aussi eu un impact direct sur la manière de raconter les histoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Xavier imaginait la coexistence humain et mutant, et puis tout d'un coup on s'est rendu compte que il fallait plutôt assumer pleinement sa différence. Donc il y a eu Genosha avec une sorte de revendication du statut de mutant. Et au fil des arcs scénaristiques et des auteurs, on a senti comme ça, en filigrane, le statut de minorité qui évoluait aussi. Oui, parce que par la force des choses, Marvel a créé de plus en plus de mutants. Et quand au début de la série, vous aviez une douzaine de mutants sur Terre, c'était vraiment une ultra minorité. Et quand vous vous retrouvez avec des encyclopédies pour vous dire les 600, 500, 15 millions de mutants qu'il y a dans l'univers des comics, forcément, c'est plus la même chose. Maintenant, on retrouve un peu ce truc-là dans des séries récentes. Il y a une série qui a quelques années qui s'appelle X-Force, et qui oui. donc est un dérivé des X-Men, Uncanny X-Force de Rick Remender, dans lesquels ces mutants-là qui sont un peu plus violents décident d'en finir avec Apocalypse. Apocalypse, c'est le pire des mutants. C'est vraiment une sorte de Hitler mutant. Bah, c'est le premier mutant. Le plus vieux mutant. Et ils décident vraiment de le supprimer. Donc ils le suppriment, ce qui forcément est un peu expéditif. Et il y a un de ces tueurs qui a une espèce de conscience et qui dit non, c'est pas possible. Donc on est dans le registre de la science-fiction, mais il clone cet Apocalypse, il en fait un enfant et il dit je veux voir ce qui devient en lui donnant une autre éducation. Je veux voir si ça devient quelqu'un de bien. Et on rentre à nouveau tout à fait dans ce discours d'une autre manière, dans ce discours du non-déterminisme qui est de savoir si c'est la naissance ou l'éducation qui prime. Et alors dernièrement, aux États-Unis, il y a eu cet énorme événement, parce que il faut bien penser que pendant très longtemps, les X-Men ont été la locomotive de Marvel, puis avec l'avènement du cinéma et tout ça, c'est une franchise qui a été mise de côté, le grand public a surtout connu Iron Man, les Vengeurs, Hulk, Captain Marvel et tout ça, et là dernièrement, on a l'impression que Marvel a décidé de se réintéresser à cet univers des mutants, et a lancé House of X, où là carrément, les mutants font vraiment sécession, c'est-à-dire qu'on en a fini du rêve de coexistence, c'est-à-dire que désormais ils ont un pays, ils ont des échanges commerciaux avec le reste du monde, une possibilité aussi de faire pression politiquement et culturellement sur le restant du monde. Est-ce que y a pas justement une sorte de validation d'une forme de communautarisme mutant aujourd'hui via House of X? Il y a deux choses. Il y a deux séries qui s'appellent Power of X et House of X qui viennent de sortir en France, qui sont un petit peu une réinvention, réappropriation de la mythologie des mutants, qui est de dire, ben voilà, il y a des trous un petit peu dans l'histoire, comment on peut les combler, comment on peut organiser des choses pour redynamiser la mythologie. Et ce qui est assez dense et assez intéressant. Et après, il y a ce qui suit immédiatement cette mini-série, où là, effectivement, ils sont tous sur la même île, et c'est exactement contraire de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous et moi on décidait qu'on fait partie de la même communauté que, par exemple, on va dire que Frédéric Sigrist et moi-même, on a l'honneur d'être chauve et on décide qu'on va sur une île pour vivre avec Benito Mussolini parce qu'il est chauve aussi, c'est un petit peu étrange et ça pose problème moralement. Et ben là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de subtilités de personnages qui disparaissent et ils rentrent tous dans le même discours. Et c'est ça un peu le truc qui est surprenant. Je ne doute pas qu'au bout de 40 épisodes, on découvrira qu'il y a sans doute un loup dans l'utopie et que ça sert le scénario, mais pour l'instant c'est un peu ça qui est étrange. Par contre, il y a plein de séries secondaires qui sont très intéressantes. Il y en a une qui s'appelle X Factor qui est sortie cette semaine. Oui, cette semaine. Où effectivement, on est sur cette île-là et on se demande comment le système marche. Avec Daken, le fils de Wolverine. Voilà, donc c'est toujours aussi une question de se poser comment le système, et quand je dis le système, bah c'est la manière de gouverner le monde au sens large, peut fonctionner. En tout cas, les débats existent dans la BD, il y a beaucoup de discussions autour justement de la justification d'aller vivre sur Krakoa. Bon, on va continuer d'en parler. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Merci. Forcer ces mutants à s'exposer au monde ne fera qu'aggraver les dégâts. Au monde ? Cette communauté de mutants a-t-elle décidé d'appliquer le précepte « pour vivre heureux, vivons cachés » ? Je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'ils se cachent. Eh bien justement, on vous cache des choses, Mademoiselle Gray. J'ai ici une liste nominative de mutants reconnus et qui vivent ici, aux États-Unis. Sénateur, il y a là une adolescente de l'Illinois qui peut traverser les murs. Qu'est-ce qui l'empêche de s'introduire dans une salle des coffres, dans la Maison Blanche ? Dans leur maison à eux. Sénateur, et plus d'une rumeur existe, Mademoiselle Gray, faisant état de mutants si puissants qu'ils peuvent pénétrer votre esprit, contrôler nos pensées, nous privant de ce droit sacré qu'est notre libre arbitre. Le peuple a le droit de choisir s'il envoie ses enfants à l'école avec des mutants ou non, s'il accepte ou non d'avoir des mutants comme professeurs. Mesdames et messieurs, la vérité la voici. Les mutants sont une réalité. Et ils sont parmi vous. Jérémy Manès, vous vouliez faire une précision. C'est oui, oui, pour pas qu'on se fasse X défoncer après. Power of Ten. Powers of Ten. C'est X en chiffres romains dans le titre de la deuxième mini-série, parce que Jonathan Hickman, c'est quelqu'un qui... C'est donc lui qui a repris les séries X-Men, et c'est quelqu'un qui fonctionne avec des schémas, des plans sur 6 ans. Avec eux, je veux pas voir les murs de sa chambre parce que ça doit être assez flippant. Et il a fait donc, pour lancer cette période, deux séries en parallèle qui sont House of X, qui est vraiment dans le présent, et Powers of Ten, donc X, Ten, qui voit trois ou quatre périodes de l'humanité, de la mutanité, voilà. Et qui les deux se recoupent d'une façon extrêmement. J'y réfléchis pour préparer cette émission. C'est extrêmement difficile à appréhender pour quelqu'un qui ne connaîtrait même pas les X-Men. Je peux juste vous dire que les livres sont accessibles. Lisez-les, c'est une vraie relecture intéressante de l'univers des X-Men, même si effectivement il y a des choses en termes d'écriture de personnages qui peuvent surprendre on connaît les anciennes versions. Pour les anciens, il y a quand même un personnage qui est complètement je spoilerai certainement pas, mais il y a un personnage que connaissent tous les anciens à qui on apporte quelque chose de très nouveau et qui change complètement et qui crée le nouveau paradigme, justement le fait qu'ils aillent s'installer sur Krakoa, etc. Et justement, moi cette émission, je l'ai faite parce que ce que j'aime dans les gens passionnés, c'est quand ils arrivent à la communiquer à des gens qui ne le seraient pas ou qui connaîtraient moins. Donc, si jamais vous aviez un nouveau lecteur en face de vous, quelle période, quel arc scénaristique vous lui conseilleriez, Arnaud Tomassini? D'une part, le Dieu crée l'homme détruit, qui arrive à synthétiser en moins de 100 pages en fait l'essentiel de ce que sont les X-Men, de leur message politique, mais aussi de tout ce qu'a fait. Notamment Claremont en tant qu'auteur pour approfondir ses personnages, pour les développer. Et il y a une période que j'aime beaucoup, c'est les New X-Men de Grant Morrison et Frank Whiteley avec pas mal d'autres dessinateurs, parce que ça prend un tournant plus radical, je dirais, en fait, dans où on montre que Xavier est pas forcément le mec le plus sympa de la Terre non plus. Il y a aussi un vrai discours dans un arc en fait sur des mutants qui justement ont des revendications et en ont marre en fait d'écouter toujours soit Magneto, soit Xavier, et leur dire mais vos discours ça fait 30 ans que vous les balancez, nous on veut quelque chose de jeune, notamment de frais. Quentin, c'est ça, Quentin Quire, Kid Omega, excellent, voilà, qui est méga. Et je trouve que c'est une approche plus différente et qui demande pas forcément d'avoir lu tous les runs d'avant non plus. Je pense qu'il y a quand même pas mal maintenant de récits, de points d'entrée qui font qu'on n'est pas obligé de tout connaître des X-Men, parce que c'est d'ailleurs un arc scénaristique qui a été compliqué à gérer pour Grant Morrison, parce qu'il est tellement radical dans sa manière de faire les choses que derrière il y avait Marvel qui disait non mais là ce personnage là on peut pas l'utiliser comme ça, on peut pas lui faire ci. Et puis il vient quand même dire bon, est-ce que je peux tuer 16 millions de mutants sur Genosha? Oui. D'entrée de jeu. Mais la force de Grant Morrison, c'était qu'il était arrivé avec une bible de ce qu'il voulait faire et qui était en gros de refaire en 2 ans tout ce que Claremont avait fait en 15 ans. C'est-à-dire que il, quand on regarde le détail de ce qu'a fait Grant Morrison sur la série, il y a 3 volumes, on peut les récupérer en 3 volumes chez Panini, on voit toutes les grosses sagas qui sont revisitées, toutes les grosses sagas qu'il y a eu 20 ans avant, quoi. Benjamin Parent? Moi en fait, donc j'ai arrêté les X-Men il y a longtemps déjà, donc il y a plein de choses dont vous parlez, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est gentil d'être venu nous voir. Voilà, merci, au revoir. Non, moi c'est simple, c'est par rapport à un truc d'enfance, c'est toute la période Chris Claremont et les dessins de John Byrne. Mm. C'est le trait de John Byrne est fou pour moi. C'est vraiment il y a une modernité et surtout ça, j'ai plein d'images qui me reviennent en tête, notamment avec le Dark Phoenix, avec Jean Grey qui devient méchante et qu'il va falloir la battre, le départ de Cyclope un peu plus tard je crois. Oui. Et tout ça ça s'enchaîne sur du Cochrane. Ouais. C'est très chargé en fait, émotionnellement et tout, et je revois comme ça ce truc où Cyclope pose la main sur la joue de Jean Grey alors qu'elle est en Dark Phoenix, enfin il y avait un sentiment de famille très fort sur cette équipe là. Ouais. Ouais. Et puis ce numéro là où ils sont formés, où effectivement Xavier va aller chercher, il y a un japonais si je me rappelle bien. Oui, Shiro Yashida, voilà, il y a un Amérindien, etc. Thunderbird, mais oui. Voilà. Et voilà. Qui nous a quittés avec un frère, Warpath. Oui, Warpath. Voilà, ouais, ça me revient James un peu. James Worthy. Voilà. Et non, c'est cette période, mais vraiment d'un point de vue de la Madeleine, de Proust. Voilà. Robert Ospion. Moi, mes réponses ont été prises, en fait, parce que j'aurais également conseillé la période Claremont-Byrne et les New X-Men de Grant Morrison. Du coup, je vais opter pour deux autres versions. J'aime beaucoup, comme la saga X-Men a beaucoup flirté avec la science-fiction. Enfin, flirter, c'est même pas ça, ça a été ouvertement aller dedans. Et si vous êtes des fans de, du chrony, d'histoire alternative et tout ça, il y a notamment deux events qui étaient particulièrement réussis, je trouve, qui sont Age of Apocalypse. Oui. Et où donc on voit un futur noir tel qu'il aurait pu l'être, et donc des versions alternatives des personnages qu'on connaît, qui donc changent d'allégeance, changent de forme. Mmh. Il y a. Oui, parce qu'en fait, le fils de Xavier, Légion, a voulu tuer Magneto dans le passé et, bah, manque de chance, il a tué son père, et ce qui fait qu'on crée une réalité alternative dans lequel Xavier n'a pas pu créer les X-Men. Et voilà, c'est ça. Et donc, ça donne. Il y a certains des personnages qui, pour moi, sont définis par leur passage par cette période, comme le personnage d'Angel, qui ne m'a jamais autant intéressé que quand il était à Archangel, qui vient après, enfin, durant et après Age of Apocalypse. Et sinon, il y a aussi l'event House of M, qui Olivier Coipel. Voilà, exactement, et qui donc découle, pareil, de si je me rappelle bien, c'est Scarlet Witch qui du coup décide de créer une toute autre réalité suite à la mort de ses et d'effacer de ses enfants et d'effacer donc tout ce qui existait. Il y a qu'une seule personne qui s'en rappelle, c'est Wolverine. Comme moi, ça a évidemment été, je suis pas très original là-dessus, mais ça a toujours été un peu mon chouchou. C'était assez intéressant à suivre. Et voilà, c'est particulièrement bien écrit et particulièrement bien dessiné, donc je vous conseille à cela. Alors, on s'approche de la fin de cette émission, mais allez, avant le jeu, on écoute Izia avec Sous les pavés. Où est passé le vrai désir d'être vivant, les envolées sauvages et les nuits éblouissantes. Je sais, c'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. Et plus les années passent, plus y a tout qui part en couille. Où sont les derniers fous au milieu de la foule? Mais faut pas que je désespère, non. Il reste des choses à faire. Y a tout qui reste à faire. Y a tout qui reste à faire. C'était Izia avec Sous les pavés et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Anthony au téléphone. Bonjour Anthony. Bonjour. Est-ce qu'on a affaire à un fan des X-Men? Je pense que oui. Alors moi, je suis tombé dedans, oui, quand j'étais petit, avec le spécial Strange numéro 20. Oh là là, voilà, le vieux, voilà, voilà. C'est bien, c'est bien. Encore plus vieux que nous. Voilà, mais après, voilà, il y a quelques ruptures et quelques retrouvailles, mais voilà. C'est... Parfait, vous êtes l'homme de la situation, c'est bien. C'est bien. Alors, vous connaissez le principe du jeu ? Oui, oui. Bon, alors, je le répète quand même, hein, c'est les impératifs de la radio, faut réexpliquer. Je pose une question, vous avez 20 secondes pour répondre, et si jamais vous n'avez pas la réponse, vous pouvez utiliser un joker qui vous permettra d'être aidé par un des invités. C'est bon ? Bien entendu. Première question. Quel est le véritable nom de Logan ? Logan, alors c'est James Ouellette. Parfait. Question suivante. Là, ça va aller vite à mon avis. Hein. Giant Size X-Men 1 est sorti en 1973, 1975 ou 1977 ? Alors, je n'ai pas entendu le titre de... Giant Size X-Men 1. 76 ? Non, l'année d'avant, oui. Ouais, on fait appel à un joker ? Oui, joker, oui. Alors, qui ? Benjamin Parot, Jérémy Manès, Robert Ospian, Arnaud Tomassini ? Allez, Arnaud Tomassini. Ouais, donc c'est 1975. Et ben voilà, ouais. Dit-il, mais tout calme, dit oui, ouais, c'est 75. Voilà. Je l'avais dit en début d'émission, donc je suis déçu qu'Anthony n'ait pas écouté. Ah, oui. Il y a eu beaucoup d'infos, vous voyez. Dernière question, d'où vient le son que vous allez entendre ? Alors Anthony ? Oui, alors ça, il me semble que c'est la très belle série animée X-Men des années 90. Eh bien, c'est ça. Bonne réponse. Voilà. Bonne réponse, Anthony. Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster, mais dont vous n'avez pas vraiment besoin, parce que vu toutes vos connaissances des X-Men, vous êtes déjà un homme heureux. Mais quand même, je vais vous l'envoyer. Je vais les jeux, quand même. Voilà. C'est un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Entendu. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de participer à votre jeu, à votre émission. Intéressante. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, moi, j'ai pas pu donner mon petit conseil aussi pour les auditeurs qui seraient intéressés de découvrir l'univers des X-Men. Eh ben, moi, je conseillerais Astonishing X-Men de Joss Whedon et de John Cassaday, parce que je trouve que ça fait le lien entre la réinvention d'un Grant Morrison et son côté presque punk, et puis le classicisme des De l'époque, clairement. Ouais. Je trouve que il y avait vraiment un bon mix des deux avec une Kitty Pryde incroyable, une dualité entre Wolverine et Cyclope très intéressante aussi. Et dernière petite rapide question, quel est votre X-Men préféré, Arnaud Tomassini ? Comme beaucoup, Wolverine. Wolverine, vraiment. Jérémy Manès ? Ah, moi j'aurais une réponse un peu particulière. J'ai adoré tout ce qu'a fait Peter David avec l'homme multiple Jimmy Madrox. Jimmy Madrox, c'est voilà, dans la série X-Men. Robert Ospian ? Wolverine, hein, désolé pour ce choix consensuel, mais c'est le best. Wolverine, enfin même Serval, voilà. Retour aux sources. Bon, c'est la même pour moi, mais ex aequo, Aurora Monroe, Storm également. Merci à tous, merci Arnaud Tomassini, merci Jérémy Manès, Benjamin Parent, Xavier Fournier au téléphone tout à l'heure et Robert Ospian. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour nous parler de votre rapport aux X-Men. Et vraiment, c'était pas une émission exhaustive, hein. Il y a des tonnes et des tonnes d'arcs à découvrir. N'hésitez pas, lisez des comic books. Et vous pouvez en parler directement aussi avec moi sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. C'est ce que tu lis sur ton temps libre ? Eh oui, Charles, elle est fan des X-Men, en plus du reste. Tu le sais que c'est des conneries, non ? Enfin, il n'y en a pas un quart qui est vraiment arrivé, et pas de cette façon-là. Dans la vraie vie, on meurt pour de vrai. Et on se retrouve demain pour parler d'un dessin animé culte dont le générique va vous rester en tête toute la journée, Les Mystérieuses Cités d'Or. Mais pour le moment, on retrouve Émilie Blond-Metzinger avec le Mac de l'été. Bonjour Émilie. Bonjour Frédéric. Alors, nous aujourd'hui dans le Mac de l'été, on sera sur scène avec la comédienne et autrice Élise Noirot et le premier danseur de l'Opéra de Paris, François Alu. La classe. La classe. Bon Il vole, il danse pas, il vole. Lui aussi, c'est son super pouvoir. Ouais. Je vous souhaite une bonne émission. Merci.